Unité 4, leçon 1. Document 1, page 66. Allô ? Allô ? Sophie, vous êtes à l'antenne. Bonjour Caroline. Bonjour Sophie, quel est votre problème ? Ben, c'est mon ami. On vit ensemble depuis 6 ans et on a décidé d'avoir un enfant. C'est plutôt bien. Oui, mais... il ne veut pas se marier. Et c'est important pour vous ? Oui, je suis enceinte depuis 3 mois. Et maintenant, je voudrais me marier. Il faut que vous lui disiez que c'est important pour vous. Il faut qu'il réfléchisse. Laissez-lui du temps. S'il veut avoir un enfant avec vous, c'est qu'il vous aime. Oui, bien sûr. Mais j'ai peur. Alors, il faudrait que vous en parliez plus sérieusement. Que vous lui expliquiez. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se marier ? Il dit qu'on est très heureux comme ça. Il faut peut-être que vous attendiez un peu, qu'il s'habitue à cette idée. Oui, mais je crois que c'est sa mère qui lui conseille de rester célibataire. Et pourquoi ? Sa mère ne doit pas décider pour lui. Il faut qu'il prenne ses décisions tout seul. Oui, mais il va chez sa mère tous les jours. Ils discutent beaucoup. Mais quel âge a-t-il, votre ami ? 35 ans. Oh, ma pauvre Sophie, il faudrait d'abord qu'il quitte sa mère pour se marier avec vous.